We'll be right back. Consolateur, consolateur, Saint Jesus' blood can make the vilest blood of Jesus can make you rendre compte de ma vie ici-bas. La vie sur la terre est pareille à l'herbe qui le matin fleurit et le soir. Assurer l'éternité. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur. Rendre compte de ma vie ma croix dans ma vraie disciple, à vivre pour toi Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Mes jours, je suis un pèlerin, dans ce monde de tourments, je suis un passage. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Passager, un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte.